Les pourparlers entre Lee Soo-yeon, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, et Eliseo Joaquim Machava, secrétaire général du Parti du Front de Libération Mozambicain, ont eu lieu le 24 à Pyongyang. Y ont pris part les quatre du comité central du Parti du Travail de Corée et les membres de la délégation du Parti mozambicain. Les deux partis se sont informés des activités de leur parti et ont échangé les opinions pour développer davantage les relations bilatérales et des problèmes d'intérêt commun. Le secrétaire général du Parti mozambicain a félicité chaleureusement son Excellence Monsieur Kim Jong-un pour son élection au poste de président du Parti du Travail de Corée lors de son 7e congrès au nom du président de la République Philippe Jacinto Nyusi, président du Parti du Front de Libération et du Parti du Front de Libération mozambicain. Le même jour, le comité central du Parti du Travail de Corée a invité au banquet la délégation mozambicaine.